la matinale de 18h, l'émission décalée des Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Autour de cette table, nous avons toujours nos stricts mêmes chroniqueurs, à savoir James. Ça va, James ? Ça va, ça va. Écoutez, très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2022. Qu'est-ce que t'as eu pour Noël ? Pour Noël, j'ai eu des excellents cadeaux. Alors, j'ai eu un truc incroyable. J'ai eu un voyage pour deux personnes dans les Bahamas. Ah ouais ? Ah ouais. Ouais, qui m'a été offert tout simplement par... Winamax ? Non. Non. Par ma mère. Voilà. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, exactement. Et en échange, je lui ai offert un voyage pour deux personnes aux Seychelles. Ah ouais, ah ouais, vous échangez comme ça. Voilà, on se fait des cadeaux de vraiment très haut niveau. Hein. D'accord. Normal vraiment, aussi. Hein. C'est celui sérieux, que vous avez entendu crier Marie-Thérèse, c'est Jocelyn. Eh oui, c'est moi, Jocelyn. Jocelyn qui est en direct live depuis Bordeaux. Ah oui, bah, non, non, je suis revenu avant-hier. T'en es revenu, c'est vrai. T'en es 27, ouais. C'est vrai. Et toi, t'as eu quoi comme cadeau? Ah, j'ai rien eu, moi. Mais non, t'as pas mérité. C'est pas que j'ai pas mérité, c'est que je suis allé à la gare de Bordeaux, puis j'ai croisé personne. Donc, est-ce que t'as croisé Alain Juppé? Non, je sais pas croisé Alain Juppé, il est plus maire de Bordeaux, je crois. Ah d'accord, non, non, il est plus maire de Bordeaux, mais tu as le droit de le croiser quand même. Non, non, parce qu'on le croise que quand il est maire, donc là, je l'avais croisé l'autre fois, mais pas cette fois-là. D'accord, donc en fait, il se cache maintenant qu'il est plus maire. Exactement. Qu'on ne le croise plus. Et eh bien en fait, c'est son dicton, c'est en tant que non-mère, je me cache. D'accord, et alors j'ai pas compris, tu n'as croisé personne à la personne gare venu de me chercher. Bordeaux, et du coup, ah, donc c'est attendu. Pour ça que t'as pas de gâteau. Non, parce que mes parents, m'ont mis sur le bas-côté de la route et m'ont dit, bah c'est ciao quoi. Ok. Donc là, je suis revenu là. C'est triste. Non, c'est pas triste, c'est différent d'être heureux. C'est une variante. Non, faut être optimiste dans la vie, je me suis dit, bah je rentre plutôt à Nancy. T'as pensé à faire psy? La personne vient de voir, je me sens triste. Non, vous n'êtes pas triste. Gangnam vous êtes différent d'eux. Ah oui. Si, on parle bien du chanteur. D'accord. Bien sûr. Oui, oui. Et Jeanne. Jeanne. Jeanne. Je vois que... Jeanne, oui, pardon. Je vois que tu as un beau pull jaune. Ouais, ouais. Donc, Noël, tu ne t'es pas changé depuis la semaine dernière. Noël, sale. C'est un autre jaune. C'est jaune de Damas. Ah, d'accord. Jaune de Damas. C'est ça. Mais raconte-nous. T'as eu quoi, toi, comme cadeau? Moi, j'ai eu 5 kilos en plus. 5 kilos en plus. J'ai un peu forcé la sur la raclette. Mmh. C'est ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai que tu nous as fait une belle chanson. Ouais, j'ai eu tellement de succès suite à ça. C'était quand? C'était la semaine dernière? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'était la semaine dernière. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai Jean-Jacques Goldman qui m'a contacté d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Il était qu'il était mort, je crois. Il est né à 22 décembre. Il est né à 22 décembre. Ouais. D'ailleurs, il a confirmé, il est bien né à 22 décembre. Et t'as demandé si ton compte PNF était vide? Non, c'est pas ça. Mon compte PNF. Non, c'est pas PNF, c'est quoi? CPF. Mais lui, c'est du PNF, ouais, je crois bien. CPF. Mon compte PNL, oui, ouais, ouais. PNL, ouais, c'est ça, ouais. Oui, effectivement. Non, mais il va me produire, hein, écoute. Hein. Mais non, si. En 2023, okay. Tu vas être produite. Ouais. Et pas reproduite. Par Gigi Goldman. Oh ouais, quel plaisir. Juste sur Jean-Jacques Goldman, son fils, Michael Goldman, il était le directeur de la Star Academy. Ouais. Voilà. Et il était directeur aussi d'une major qui... My Major Company, c'est le créateur de My Major Company. Ouais, voilà, qui promeut des nouvelles stars en devenir. Quoi. Et du coup, toi, Tristan, t'as eu quoi pour Noël? C'est vrai, ça, Tristan. Rien, parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'aime pas les cadeaux. Non, on t'en a pas offert pas un de force. Zéro, oui, même, de force. Même pas sais, un genre, livre. Tu te lèves le matin, tu vois un petit cadeau. Oh, je t'avais dit de rien faire. Mais je t'avais dit non. Non, t'as pas eu ça. Un vélo? Ça a dû m'arriver. Et là, je devais être chafouin. Mais non. C'est il y a 3 jours quand même. Hein, donc, Mais moi, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça a dû m'arriver d'autres années. C'est ah ça oui, que je veux oui. dire. D'autres années. Mais là, non. Tout le monde était au garde à vous et c'est cool. Drôle de soirée. Non, mais au garde à vous, c'est-à-dire, ils m'ont pas fait de cadeau. Ah non, mais t'inquiète. Je respecte. Chacun son Noël, hein. C'est ça. Alors, en cadeau, faites pas de cadeau, mais alors faites le garde-à-vous. Ah ouais, on était au garde-à-vous. Ah, trop génial. Ah, ouais, on a plaisir. Passé une soirée, on a passé du Wagner. Ah, les familles. Non. Voilà, donc ouais, non, désolé, j'ai pas de news là-dessus, j'ai pas de cadeau. Si, le seul cadeau que j'aimerais qu'on me fasse de la part de mes enfants et qu'on y aille avec mes enfants, c'est aller voir un match des Glasgow, des Celtic Glasgow ouais. en Ligue des Champions. Mais ils sont pas du tout en Ligue des Champions, là, les Celtics. Non. Ah, si, cette année, ils y sont, mais ils ont été éliminés. T'es sûr, tu parles pas des Boston Celtics? Non. D'accord. Ah non, mais c'est London Celtics Glasgow? Non, c'est le meilleur public d'Europe. Ouais. Les Celtics Glasgow, et là, ouais, non, si, ouais. C'est... Voilà, c'est le seul truc où, là, ouais, bim, allez. Écoute, c'est le meilleur public plaisir. D'Europe et tu vas en faire partie, quoi, si on a compris. J'ai envie de vivre ça. Mm. Voilà, et je me suis tâté à y aller l'année du centenaire en plus, et ils ont gagné 2-1 face à Barcelone, et t'imagines l'ambiance qu'il devait y avoir. Oh oui. Voilà. Mais sans plus attendre, l'éphéméride, moi, je dis, non. Ah, on fait pas les news. Non, alors, pas le temps. Oui. Non, ouais, non. Là, on est en mode, ouais, ça va, quoi. Post-Noël, quoi. Détends-toi, Jay. Ah, d'accord, ok. Ouais. Moi, j'avais préparé donc, tout un tas de trucs. Prends un petit verre de vin. Si tu veux les faire, vas-y. Non, bah vas-y, l'éphéméride, ok. Voilà, okay. Donc, on a juste fait l'éphéméride, parce que de toute façon, tout est fake dans l'éphéméride. On s'en est rendu compte la semaine dernière. C'est l'éphéméride que je fais. C'est fake. Ouais. J'imagine que les autres, vous faites ça professionnellement. Moi, forcément, moins. Non, mais oui, mais... Pourquoi prendre midi une agence une agence immobilière une intelligence artificielle. Mais c'est pas que je prends une intelligence artificielle. Bah, parce que je trouvais ça beaucoup plus marrant de demander à quelqu'un de le faire à ma place. Ouais, oui, mais c'est pas quelqu'un. C'est pas trop. C'est Google. Peut-être que c'est quelqu'un. On sait pas parce qu'il donne des bonnes infos. Peut-être que c'est quelqu'un. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'avant ton éphéméride, on s'écoute quand même parce qu'on a parlé de psy. Mm-hmm. Gangnam Style. Ah ouais, Gangnam Style. Gangnam, tu vas y aller à Gangnam. Gangnam, je vais y aller, ouais. Au mois de mai. Au mois de mai. Gangnam, c'est un quartier dévoiles, huppé de Séoul. Ah d'accord. Voilà, parce qu'ils se moquent des habitants de ce quartier très chicos de. Faut qu'ils aillent voir un de psy, Gangnam. Quoi. C'est le style. C'est une chanson Gangnam. Qui a déjà 10 ans. Et c'est une super chanson du Nouvel An, ça. On la passe à chaque réveillon. Ouais. À chaque réveillon, s'il n'y a pas psy de Gangnam Style, c'est pas. Là, on pas peut s'entraîner. Mais il chevauche des rênes. Il y a aussi une version bretonne qui s'appelle Gangnam Style. Alors on va la chercher, celle-là. Il y a avec une version censurée qui s'appelle Gangnam Style. Exactement, chantée par Nolwenn Leroy. D'accord. T'as dit quoi, toi? Non, n'écoutez pas. J'ai dit qu'il y avait une version censurée qui s'appelait Gangnam Style. Mais tu m'as fait répéter, c'est pas moi. Avec Nolwenn, il a dit. Ah oui. 94 de service compris, les anecdotes de Rodolphe. Ouais, c'est la nouvelle année. C'est la sanction qui tombe. La vérité. Elle est irrévocable. Gangnam Style. Et après, c'est l'éphéméride du 29 décembre. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Psy, Gangnam Style. La matinale des 18h, l'émission décalée des fadjets. La matinale des 18h, l'émission décalée des fadjets. Mais non, mais j'essaie de remettre le... Bon, bah, c'est pas grave, je vais le faire à l'arrache. Je cherche mon bed éphéméride. Le voilà, il est là. Attention, vous êtes prêts? Oui. Mais non. La matinale de... Oh, Tristan, 29 décembre. Ça y est, je l'ai. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Nous sommes à 29 décembre. Décembre, exactement. C'est la Saint-Thomas aujourd'hui. Énormément de morts, énormément de naissances. Mais le truc, c'est que... tu vois, le premier truc que je me dis, est-ce qu'on est vraiment à la Saint-Thomas, quoi? Bah, j'ai pas vérifié, mais normalement, nous sommes... Ah, d'accord, ok. Nous sommes la Saint-Thomas et... voilà. Bah voilà, c'est, dire, c'est jeudi 29 décembre. Là. Qui est mort un 29 décembre, moi, c'est moi, la question. Moi. Oui. Non, vous êtes un mort. Il y a Al Pacino. Non. Il y a princesse Diana, princesse de Galles, qui est décédée en 1997. Ça, c'est sûr que non. 1997, 29 décembre 1997, on s'en souvient. Alors, mais non. Elle serait morte. Non. Tony Curtis, acteur américain. C'est un quiz. Ton savoir. C'est un vrai faux, c'est du faux. C'est vrai ou faux? Mais non, c'était en mars qu'elle est morte. Lady Diana, je vois mal. Lady Diana, 29 décembre. Tu sais, avec Elton John. Oui, bien sûr. Je le fais mieux que. Tu sais qu'à la base, il avait écrit la chanson-là pour Marilyn Monroe. Ah ouais. Parce que princesse Diana est morte. Ah bon? Avant quoi? 29. Quoi, princesse Diana est morte? Oui, le 29-97. D'accord. Bon, Tony Curtis, vous connaissez Tony Curtis? Ah bah oui, l'acteur américain. Amicalement vôtre. Certains l'aiment chaud. Il est mort en 2010. Ouais. Et... Quel jour? Et le 29 décembre aussi. Mais qui est né? Attends, il y a James qui est en train de valider. C'est juste qu'elle est morte en août. Je me disais bien qu'elle était morte en été. C'est pour ça que je dis mars. Je me disais bien qu'elle était morte en été. Mais alors, c'est quoi ta source, Jocelyn? Mais attendez, mais à quel moment vous me demandez les sources pour l'éphéméride là en matinale de 18h? Alors, qui est né un 29 décembre? Je vous pose la question et je vous réponds en même temps. Non, Johann Kepler, mathématicien et astronome allemand, Groucho Marx, comique et acteur américain. On pense à lui, Groucho Marx. Et Rob Lowe, l'acteur américain très connu. Ça, c'est vrai que tu le connais pas. Ça passait, je pense. Ça, bah, tu le mettais dans un éphéméride. Mais attends, mais Princesse Diana, ça passait. C'est juste non, que vous êtes sceptique, quoi. C'est pas cool. Non, mais là on n'est pas crédible. En 2023, tu ne fais pas ça. Hein. D'accord, 2023, Tu nous envoies ton éphéméride à l'avance. Et vous me dites si c'est bien ou c'est pas bien. Pour qu'on la vérifie quand même. J'ai un dicton quand même, parce qu'aujourd'hui c'est pas n'importe quel jour. Le jour de Saint Thomas, la glace a du mal à tenir. C'est là où je me dis que Thomas, ça doit être la Saint Thomas quand même. Parce que tu nous le refais dans le dicton. Donc là, et je vais encore plus loin, Tristan, parce que j'ai un poème du jour aussi. Oh oui. Noël s'en va, Saint Thomas arrive. Avec son temps gris et ses vents qui sifflent, les flocons de neige sont rares, mais le froid est là, il reste encore. Bravo. Ce que j'aimerais, c'est que tu la fasses. Mais t'as pas besoin de rimer dans un poème. Oui, mais tu vois, tes météos sont mieux que ce poème. C'est hors de question que j'entende ça encore une nouvelle fois. D'accord. Non, mais j'aimerais que tu me la fasses avec la voix d'André Malraux. C'est comment la droite d'enlever la droite. Droit d'André. Entre ici, Jean Moulin, avec ton cortège. Tu vois? Noël s'en va, Saint Thomas arrive. Avec son temps gris et ses vents qui sifflent. Les flocons de neige sont rares, mais le froid est là, il reste encore. Bon. Merci. Bon. Est-ce que je peux le faire avec la voix de Frédéric Mitterrand? Et moi avec la voix d'Edith Piaf? Ouais, vas-y. Après, j'ai l'anecdote, les gars. Moi, j'ai fait avec l'accent africain. Ah oui, fais-le. Noël s'en va, Saint Thomas arrive, avec son temps gris et ses vents qui sifflent. Les flocons de neige sont rares, mais le froid est là, il reste encore. Ah ouais, c'est pas mal. Jeanne, tu voulais le faire avec Jeanne, bien sûr, Edith Piaf. Ouais. Noël s'en va, Saint Thomas arrive, avec son temps gris et ses vents qui sifflent. Les flocons de neige sont rares, mais le froid est là, il reste encore. Voilà. Et ben, je vais vous le faire moi aussi, mais vous allez devoir deviner qui j'imite. Ouais. Mais Noël s'en va. C'est Thomas arrive avec son temps gris. C'est vent qui siffle, ces flocons de neige sont rares. Mais le froid est là, il reste encore. C'est François Hollande. Ah oui, oui, bravo. Un point pour James, effectivement. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 29 décembre 1845? Mais on n'était pas nés. C'est une anecdote du jour. David Copperfield, vous connaissez David Copperfield? En 1845 oui. David Copperfield de Charles Dickens est publié, c'est l'un des romans les plus célèbres de Dickens et c'est l'un de ses favoris personnels. Il l'a dit, c'est dans une interview, on pourra écouter à l'occasion. Il a été adapté en film, en télévision et en théâtre à de nombreuses reprises. D'accord. David Copperfield, Charles Dickens, on y pense, 1845. Et on le salue. On le salue, évidemment. Si vous écoute, bisous. Merci pour cette éphémérie de plein d'informations vraies. Ah oui. Et je pèse le mot vrai. Vrai. Voilà. Bruno Mars, 24K Magic. Et un petit quiz après. Ah ouais. Un petit quiz musical de Jeanne. Pourquoi pas? A little quiz. Bah j'adore. A just a little quiz. Bruno Mars, 24K Magic. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. C'est le jeu des grosses fesses, le jeu des grosses fesses qui est animé par Jan. Le quiz, le quiz musical. Vous l'attendiez tous, je savais. Ah du coup, je vous ai ramené. On l'attendait, mais pas aussi tôt dans la dans l'émission. Dans c'est incroyable. On vient de commencer l'émission, on s'amuse c'est déjà. Incroyable. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, une émission ouais. spéciale. Hein. On est tous en smoking, en costume. C'est l'émission ouais. de la Saint-Thomas, quoi. C'est une exactement. Émission, mais qu'est-ce qui se passe en fait, alors, on va c'est la faire comme ça, cette émission. Voilà. Je vais tout simplement vous lire des paroles de chansons qui ont été traduites en français. Mais comment est-ce qu'on va faire pour donner la réponse, Jeanne ? Ben oui. Eh ben regardez, je vous ai apporté trois petits personnages. Oh. Ça alors ? Oh. Ah, mais ils font point point. Ouais, et le troisième ? Ah, oui, bon, voilà. Oui, oui. Alors je vous présente Marcel la grenouille. Marcel bleue. La grenouille. Marcel. Moi je veux bien. T'attrapes ? Ouais. Oula. Vas-y, lance. Oh. Voilà, allez hop. Qui veut c'est Pierre Henri le petit flamant rose ? C'est moi. Pierre Henri. PH. Et qui veut Géraldine, la petite grenouille rose ? Donc on dit nos prénoms en même temps de Tristan. Ouais, hein, quand oui. On... Ouais, voilà. Ou alors vous faites poète, poète, poète, plein, plein de fois. Je sais pas quoi comme... Moi, c'est poète, poète, poète, et Jocelyn. D'accord, et quel est... Poète, c'est James. Quel est le thème de ce quiz ? Le thème, c'est... Noël. Noël et ses amis. Noël et la raclette. Alors sachez que le 29, c'est Saint-Michel, c'est pas Saint-Thomas, mais après c'est... Mais alors, non, sincèrement, où est-ce que t'as été trouvé, Thomas ? J'en sais rien. D'accord. Ok. C'est le premier prénom qui est venu avec Saint-Michel. Oui. Voilà. Ah, il y a tellement de blagues à faire. Ah ouais, Saint-Michel. Ouais. On pense à lui. Tu l'as connu d'ailleurs ou pas ? Ta sœur ou son ex ? Non, son ex. Oui. D'accord, ok, tu l'as pas connu. Un peu privé là, les gars. Ouais, non, mais. Oh, c'est alors, une question comme une autre. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oh ouais. Oui. Avancer sur la neige dans un traîneau ouvert à cheval. Où les champs où nous allons rire tout le temps, tout le chemin, cloche sur anneau de queue de cheval, rendant les esprits lumineux. Attends, Tristan, c'est All Night Long, non c'est non. pas Lionel Richie. Non, non. Ah, en fait là c'est en anglais. Ça on commence là en français. C'est bah c'est une chanson anglaise normalement. Je croyais que tu nous faisais une chanson encore. Il faut peut-être expliquer ça quand même. Bah ouais, s'il te plaît. Mais elle a rien expliqué. Je vous ai dit, je vais vous lire. Tu sais qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi des auditeurs. Allô, les auditeurs. Tu réécouteras l'émission en replay d'ailleurs, que l'on peut écouter en replay sur Fadjet.com. Voilà, donc oui, tu peux. Et donc oui, je vais vous lire un texte de chanson traduit en français. Voilà. D'accord. Des chansons américaines. Voilà. Américaines, d'accord, pas anglaises. Donc oui, alors tu peux prendre les paroles depuis le début, parce que de toute façon, personne n'a trouvé pour l'instant. Avancer sur la neige dans un traîneau ouvert à un cheval, ou les champs où nous allons rire tout le chemin. Cloche sur anneau de queue de cheval, rendant les esprits lumineux. Quel plaisir... C'est Old Town Road ? Non. Quel plaisir de rouler et de chanter une chanson de traîneau ce soir. Les cloches tintent. All I want for Christmas is you. Non. ACDC, Aïbel ? Non. Tintent partout. Oh, quel plaisir c'est de rouler dans un traîneau ouvert à un cheval. Jingle Bell. Bah oui. Oh là là, des Sex Pistols. Spécial Noël et ses amis, on vous a dit. Mais oui, oui, oui. Ah d'accord, ok, oui, ça y est. Ah mais c'est oui, il y a un thème aussi du jeu. Mais oui. J'ai vraiment rien écouté ou quoi. Rien écouté. Vraiment rien écouté parce qu'elle l'a dit ça aussi. Ah oui, bon, on réécoutera. Hein. Merci Tristan. D'accord. Tristan, quel faux cul. Alors, vous êtes prêts ? Ouais, moi oui. Chérie, tu dois me le faire savoir. Dois-je rester ou dois-je partir ? Jocelyn. Ah, c'est Lionel Richie. Mais non. Parce que si. Mais non, c'est Suda Stego. Ah oui, mais oui, bien sûr. C'est les Raymonds. Ah oui. C'est The Clash. The Clash. Oh, Suda Stego. Dois-je rester tu l'avais ou pas, dois-je James partir ? Je ne l'avais pas. Ah ok, parce que comme t'as bipé, je voulais pas te voler. J'ai pas bipé. C'ai pas vrai, j'ai pas bipé, je ne te laisserai pas dire que j'ai bipé. Il me semblait avoir tu entendu pouetté, hein, un triple but. Pouetté. T'as pouetté ? Ah, je n'ai pas pouetté, c'est t'as pouetté. Je n'ai pas pouetté. T'es un pouetteur fou, je le sais. Tristan, t'as pouetté, toi. Tristan, oui. C'est un pouetteur. Ah bah oui. Alors, next. Des mots comme violence, briser le silence, vient t'écraser dans mon petit monde, douloureux pour moi, me transpercer. Vous ne pouvez pas comprendre ? Oh ma petite fille, tout ce que j'ai jamais voulu, tout ce dont j'ai toujours eu besoin est ici dans mes bras. Mes mots sont très inutiles, ils ne peuvent que blesser. Les vœux sont prononcés. Être caché. Je vous sens largué. Michael ouais. Jackson ? Non. Attends. Saint Thomas. T'avais pas plus que ça. Si. Ah, okay. Mais je vois que vous trouvez pas. T'as pas le refrain par exemple? Un air, quelque chose? Il y a pas réellement de refrain. Il y a pas d'air non plus. Rebasez-vous sur un des mots de la première phrase. Ouais, des mots comme violence, briser le silence. Breakthrough. Bien t'écraser dans mon petit monde douloureux. Come crash into my little world. Les mots n'ont aucun sens et oubliables. Tout ce que j'ai jamais voulu, tout ce dont... Maria Carré. Non. Tout ce dont j'ai toujours eu besoin est ici dans mes bras. Have some fun. Non. Les mots sont très inutiles. Ce world-là inutile. Les mots sont très inutiles. Ils ne peuvent que blesser. S'il y a un auditeur qui l'a, il peut klaxonner. Ouais. Ah ouais, on ouvre les portes, ça marche en glace. Non, bah je pense que non, là, on non, là, on sèche. Bah, écoute, c'est votre alors, tu peux sèche. Nous la faire en français, mais avec l'air. Non, je pense qu'elle ne peut pas le faire. Juste, en fait. Attends. Je pense qu'on veut non, pas qu'elle le fasse. Oui, mais c'est pas grave. Tout ce que j'ai jamais voulu, tout ce dont j'ai toujours eu besoin est ici. Ah, c'est parce que je connais pas la chanson. Dans mes bras, les mots sont très inutiles. C'est Disney ? Ils ne peuvent que blesser. En fait, non, mais moi je vois c'est quoi la chanson, mais je la connais pas. Bah, c'est Depeche Mode, Enjoy the Silence. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. C'est pour ça que j'ai pas trouvé, c'est une chanson que je connais pas. Bah oui, c'est Depeche Mode. Je pensais que vous Non, mais ouais, moi je connais. Tristan, tu vois, parce que c'est de sa génération. Oui, voilà, ouais, c'était pas pour moi, c'était pas pour moi. Ouais, bah voilà. Ça vous... Trop jeune. Allez, la prochaine, vous allez la trouver, j'en suis sûre. Ah ouais. Moi aussi. Au Noël dernier, je t'ai offert mon cœur. Last Christmas, I gave you my heart. Ah ouais. Je sais pas c'est quoi. Mais dès le lendemain, tu l'as donné. C'est qui oui, c'est quoi? Je sais pas qui chante, ne sais pas quelle est la chanson. C'est Wham. C'est oui, mais je sais, mais c'est qui Bah, okay, c'est Last Christmas. En tout cas, c'est très bien chanté. Wham, c'était avec Robbie Williams. Non. D'accord. Si, ils ont fait un feat, je crois. Non, mais c'était pas le leader de Wham. C'est rien du tout. Je sais pas. J'ai pas. J'ai aucune culture, moi. C'est George Michael, le leader de Wham. Ah bah voilà. Bah ouais. Mais moi, je confonds. T'as dit Robbie Williams. T'as dit Robbie Williams. Parce que pour moi, c'est la même chose. La honte, quoi. Allez, Timen. Timen. Je crois que chacun a une bonne réponse. On a un point, je crois. Peut-être James en a deux, je suis pas sûr. Non, j'en ai qu'un. On a qu'un, j'en ai qu'un aussi. Allez, concentrez-vous. Comprenez les choses que je dis. Ne te détourne pas de moi. Ça commence là ? Ouais. Parce que j'ai passé la moitié de ma vie là-bas. Vous ne seriez pas en désaccord. Me vois-tu ? M'aimez-vous ? Aimez-vous que je sois là ? Remarquez-vous ? Savez-vous ? Me vois-tu ? Est-ce que quelqu'un s'en soucie ? Malheur où était quand j'étais jeune. Et on s'en foutait parce que nous avons été élevés pour voir la vie comme amusante et la prendre si nous le pouvons. Ma mère, ma mère, elle me tiendrait. Queen ? Non. Elle me tenait quand j'étais là-bas. Mon père, il m'a aimé. My father. Eh bien, il m'a aimé. Est-ce que quelqu'un s'en soucie ? Personne s'en souvient en tout cas. Somebody. Does anybody care? Oh, oui. Ah, c'est ça? Non. Seulement pas. En tout cas, quel organe, James. T'as dit my father, my father. Ma fin. Ah, c'est Cranberry. Ah, c'est Cranberry. Ah, j'ai cru que tu faisais Shakira. Ma father. My father. Moi, j'ai cru que c'était Pierre. Ma father. Ma mother. We love you. C'est oui, to my family, des Cranberries. Oui, Cranberries. Heureusement qu'on a Jocelyn, hein, parce que... Bah, j'ai rien trouvé, moi j'ai trouvé Cranberries quand tu l'as dit, quoi. Pas, hein. On t'a vous l'aviez, Cranberries, quand même. Ah bah, à la fin, oui. Oui, quand elle l'a dit. My father. Ouais, voilà, j'ai entendu Cranberries. My father. Alors, la suivante. Oui. Ouais, écoutez. Ouais, je suis sur le qui-vive, là. Hein. Ah, celle-ci, elle est facile. James, je le sens sur le qui-vive. Prochaine, quoi. Ouais. Au début, j'avais peur. J'étais... I will survive. Ah, mais oui. Ah, mais oui. J'étais pétrifiée. J'ai continué à penser que je ne pourrais jamais vivre sans toi, mais c'est la version de Régine, ça? Ah ouais. C'est la version Google Trad. D'accord, parce que Régine a fait une version mais de oui, ça. Mais oui, je l'ai dit tout à l'heure. Non, tu l'as dit la semaine dernière, je crois. Non, je l'ai dit avant de commencer cette émission en off. Ah d'accord. Mais Régine a fait la chanson Je te survivrai. Ah oui. Ah, on se rappelle de Je survivrai parce que je te survivrai, c'est encore autre chose. Elle est confuse, hein, cette émission. Elle est bizarre. Oui, c'est une émission spéciale confuse. Ah ouais. Avant de continuer cet exercice de style où on est particulièrement pas bon, je trouve. Même si on trouve quand même à la fin, mais il faut que ce soit les auditeurs. Les auditeurs sont contents qu'on trouve pas tout de suite parce que ça leur laisse le temps de chercher c'est d'un vrai, côté. C'est vrai. Et ça rassure c'est aussi vrai. L'auditeur hein, qui trouve rapidement. Il dit, ah bah tiens, je sais pas. Ah pas bah, si con moi. Je pourrais faire chroniqueur. Stromae, ma fête. Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire. Ma fête. La matinale de 18h. Parce que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. La suite du quiz. Comment appeler ? Bah, on peut appeler ce quiz. Le quiz. Tu peux répéter la règle pour les auditeurs qui viennent seulement d'arriver ? Bien sûr, je vais vous lire des textes de chansons traduits en français. À nous de deviner. De quelle chanson originale ? Voilà. Et dès qu'on sait, on. Pouette, pouette, pouette. Voilà. Alors. Allez, c'est parti. Il faut mon pouette, moi. Bah oui. Bah alors. Pression. Poussons. Oh Under pressure. Ça va bien ? Mais t'as pas dit Tristan ? David Bowie et. Queen. Alors c'est pas. Si c'était avec Queen, c'était avec. À la base, c'est une chanson de David Bowie, mais. Oui, c'est ça, oui. Ah ouais. Oui. Ils sont croisés dans les studios, je crois, quand David Bowie devait enregistrer et ils se sont amusés à la chanter tous les deux. Alors, ils se sont d'abord croisés au Franprix. Ils ont eu le Franprix et les légumes. Je crois qu'ils ont enregistré la chanson complètement séparément, en fait. Et nu. Ah bon ? Non, ils n'ont pas enregistré ensemble, ils ont chanté complètement séparément. Complètement séparé et nu. D'accord, je fais du Jocelyn là, d'accord, pardon. Tu dis n'importe quoi. Bon bah du coup, il en reste plus que deux, hein, parce que t'as été tellement rapide et efficace. Alors, l'avant-dernière, ils lui ont dit « Ne viens jamais ici, je ne veux pas voir ton visage, tu ferais mieux de disparaître. Le feu est dans leurs yeux et leurs mots sont vraiment clairs. » Alors... Eye of the Tiger. Non. N'importe quoi. Alors, battez-le. battez-le simplement. Beat it. Bien. Il est chaud. Yes. Juste pour dire beat it, ça veut pas dire battez-le en fait. C'est pas grave. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dégage en fait, casse-toi. D'accord. File. Et bah Google Trad. Du balai. Oui, mais c'est normal parce qu'il peut pas savoir que dans ce contexte c'est. C'est le même qui fait les éphémérides. C'est ça. Mais c'est qui ce Google? Parce qu'il en dit des conneries quand même. Hein. Allez, la dernière. Je vais tous les combattre. Je ne pouvais pas me retenir, ils vont l'arracher. Prenant leur temps derrière mon dos et me parlent la nuit. Parce que je ne peux pas oublier. D'avant en arrière dans mon esprit, derrière une cigarette. Et le message venant de mes yeux dit « Laisse-le tranquille, je ne veux pas en entendre... » Let it be. Non, je ne veux pas en entendre parler. Chacun a une histoire à raconter. Let it free. Free from desire. Cigarette. Tout le monde le sait, de la reine d'Angleterre au chien de l'enfer. Si je l'attrape en chemin de revenir sur mon chemin, je vais te le servir. Et ce n'est pas ce que tu vas entendre, mais c'est ce que je ferai. Et le sentiment venant de mes os dit, trouver une maison, je vais à Wichita, loin de cette opéra. T'es sûr c'est pas... Find a house in Wichita. T'es sûr c'est pas Wikipédia. C'est Wichita, pardon. Ah, loin bah oui. De cette opéra, Wisconsin. Pour toujours, je vais trouver... Chiquitita. Alors regarde que tu Chiquitita, c'est de Jul. Okay, mais non. Enfin, si, ça peut, parce qu'il a tout le temps. Si, c'est une chanson de Jul, Chiquita. Et oui, un banger encore. Oui, non, mais c'est pas... Encore un banger. Attends, c'est pas Chiquita, c'est Chiquitita. Hum? C'est Chiquitita. Ah d'accord, parce que ah, mais... Jul c'est bien Chiquita. Chiquitita, tidadana. Mais c'est pas ça, Tristan. Ce n'est pas ça. Jul n'a pas fait Chiquitita. Ce n'est pas ça. Ça permet juste de saluer Jul qui nous écoute. Oui, ouais. Jul. Et Abba qui nous écoute aussi. Exactement. Ah ouais. Je vais tous les combattre. Une armée de 7 nations ne pouvait pas me retenir. Seven Nation Army. Merci. Oui. C'est quoi ce... Attends, je ne connais pas. Seven Nation Army. C'est pas ta-da-da. Non, mais non, c'est tung-tung-tung-tung-tung. Ouais, ah oui, d'accord. Oui. Seven Nation Army de White Stripes. Bien. White Stripes. C'est un gros coup de chance, en fait, Jocelyn. Parce que t'avais pas du tout l'air. Il a entendu cette armée. C'est juste qu'il est complètement bilingue. Il est complètement con. Mais non. Et c'est tout, c'était la dernière. C'était très agréable. Déjà, le gagnant est... C'est moi, non? Oui, c'est Tristan. Moi, j'en ai trop. Moi, c'est Tristan. Ça fait chier, Tristan. J'en ai trop, mais c'est Tristan. Ah, j'aurais dit égalité. Oui, parce que t'as été dans des chansons de vieux. Et oui, donc Tristan gagne, forcément. Il y a un peu de tout. Non, non, c'est trop jeune. Tu rigoles ou quoi? Il y avait du Michael Jackson. Déjà, t'as fait aucune chanson de Maître Gims. Ah ouais, ni de Jul. Mais Maître Gims, il chante pas en anglais. Ayana Kamura. Tu chantes en anglais. Je veux pas le savoir. En anglais, quoi. Ah, ce qui aurait été cool, c'est que tu traduis une chanson d'Ayana Kamura en français. Alors, figure-toi que j'ai essayé de faire la méthode de James en la traduisant en 15 langues différentes. Là, je l'ai essayé aussi. Ouais, bah j'ai essayé. Et alors, ça donne quoi? Et arrivé à la 15e, ça a bugué, donc ça m'a cassé les... Non, mais moi, je le ferai dans un des prochains. Faudrait traduire Maître Gims en anglais, quoi. Et de deviner... Qui je suis. Ça paie comme jamais, comment ça fait? Ça paie comme like jamais. Comme never. Ah oui. Dressed like never. Enfin, c'est... Une source inépuisable. Bah attends, mais de quoi s'amuser sur le long terme, quoi. Voilà, surtout avec des très anciennes chansons. Et 2023, ça va être pas des très très anciennes. Oui, pour moi. Ils viennent de me demander du récent. Non, mais du 20e siècle. Ou du 21e. Très anciennes. Et bientôt du 22e. Du 20e siècle. Bah, du 20e siècle, c'est déjà très ancien. Il y avait des chansons en 1745. Presque. Mais non, du 20e siècle. Saint Thomas a chanté. Si vous avez des idées de quiz, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Comment on les fera? Par la page Facebook qui sera créée en 2023. Hein. On vous l'annonce depuis 6 mois maintenant, cette page Facebook. Et en plus, on a des belles photos. Ah ouais, on a des belles photos. Ça, c'est vrai qu'on a des belles photos. On a une liste d'attente monstre de gens qui veulent s'inscrire sur la page Facebook tous les jours. On nous demande. Donc n'hésitez pas, ça et là, d'aller sur Facebook et d'écrire la matinale de 18h. Peut-être qu'un jour. Voilà, vous tentez toutes les deux semaines. Moi, je dis toutes les deux semaines, c'est OK. Mais oui. Vous écoutez l'émission, hop, vous sortez le téléphone. Est-ce que c'est créé à ce moment-là? Bam, c'est jamais le cas. Voilà. Bon, bah, on passe à autre chose. Et si vous êtes le premier like, on vous donne des stickers Fadjet. Exactement. Ouais, clairement. C'est comme ça. Il y a peut-être juste un moment où Facebook va en avoir marre que vous cherchiez une émission qui n'existe pas chez eux. Et ils vont la créer. Ça trouve, ils vont la créer eux-mêmes en fait. Et ouais. C'est de Marcos. Un fake. L'invité de Marc, c'est Marc Zuckerberg qui va faire la page. C'est ça. Bon, déjà que Elon Musk a racheté Fadjet. Ah, c'est vrai qu'ils sont pas en. Ouais, pas en bonne entente les deux. Et est-ce que t'as vu Elon Musk, il a fait un sondage sur Twitter pour savoir s'il restait. Ouais. Ouais, et il y a eu 57% de... Va-t'en. Pour Va-t'en. Mais en même temps, c'était juste après c'était le c'était truc qui... C'était au moins deux semaines, mais... ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui. Bah, quatre, parce que quand même... Il est content de sa connerie. J'adore. Mais, ça me fait trop marrer. Mais effectivement, ça passait juste après... une annonce qu'il a balancée, qu'il a retirée tout de suite, où il voulait interdire tous les comptes Twitter qui parlaient d'un autre réseau social, ou qui partageaient des infos d'un autre réseau social. Et donc là, ça fait un tollé, il a retiré cette info-là. Mais il a supprimé des journalistes aussi. Il a dit en même temps, bon, est-ce que vous voulez toujours de moi ? Et bah non. Et il avait dit qu'il se tiendrait à la décision des votes. Oui. Alors, comme le fit jadis le général de Gaulle. Est-ce que tu veux racheter Twitter ? C'est ça. Je veux bien racheter Twitter. Ok. Allez, bah vas-y. 44 milliards. Ah ouais, ouais 44 non, ça a, pris, ça a perdu, ça a perdu, ça a perdu. Ouais, il a racheté 44 milliards. Ouais, en 15 milliards. Jours, ils ont perdu ouais, un peu. Ouais, ils ont perdu. Ah, je suis short. Il manque, t-shirt il manque 4 milliards. T'as pas 10 balles. Il manque juste 30 euros. Fais tapis, tu verras bien si ça passe. Écoute, bonhomme, je vais pas faire tapis parce que tu sais bien, bonhomme, que... Quoi ? Oh non ! C'est qui ? Voilà ! C'est Bernard Tapie. Oh ouais, ouais, ouais. Bah oui, oh, je vais pas faire tapis est... parce que tu sais bien oui, que mais voilà. Bon, l'accent. Est-ce qu'on a une musique de Bernard Tapie ? Oui, il avait fait une chanson avec Doc Gynéco. Ça s'appelle Ah oui, le passement de jambes. Oh, je l'ai. C'est toujours le gangster je qui l'ai. Contrôle réussir l'affaire. Sa vie. Réussir sa vie. Mm-hmm. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. C'est de parler à Dieu. Comme à ses voisins, dire que ça ira mieux, même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages, et devant un avion, rêver de voyage. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. C'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui. À l'aventure tout simplement, c'est d'être un président ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse comme on jouait au billes, et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie, c'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit à l'aventure infiniment. C'est d'être au carnaval, un des rois de la fête, de croire en son étoile, même les jours de défaite. Allez, on vous libère. Sur un commun accord. Il restait encore 1 minute 20 de Bernard Tapie. Oui, on vous libère. Je précise aux auditeurs que c'est pas celle-ci que j'avais en tête, c'est celle avec Doc Gynéco. Ouais, alors Doc Gynéco, quand tu fais le. Ah, et alors d'ailleurs. Le conducteur de taxi, justement. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, sur ce clip-là. Il fallait surtout pas qu'ils se croisent. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont fait en ouais. Décalé. Ouais. Ouais, parce pourquoi qu'il y avait tel ego de chaque côté, manifestement, ou quelque chose comme ça. Et alors, j'imagine le réalisateur, au dernier moment, non, mais je veux pas le voir. Ils ont enregistré une chanson ensemble, mais ils pouvaient pas se blairer. C'est probablement peut-être que c'est ce qui a généré cela. Mais non, le clip, ils ne sont pas croisés pendant le clip, alors que tu en as un qui est derrière, banquette arrière, et l'autre qui est sur la banquette avant. Quoi. Donc amuse-toi, mais au final, voilà. Et moi, c'est surtout. J'aurais voulu être un artiste chanté par Bernard Tapie, il faut le faire quand même, hein, le coco. Hein. Voilà. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Ah, tu as déjà ton buzzer. Oui, c'est la suite du jeu auditeur avec un petit quiz. Du jeu auditeur ? Non, du des grosses. Non, oui, non, mais c'est parce que bien c'est sûr. Écrit jeu auditeur. Oui, ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, dit, les auditeurs peuvent jouer. Nous vous invitons à jouer derrière votre. Envoie-moi le buzzer. Bande de petits joueurs. Ah oui, tu veux un buzzer ? Tiens, prends un buzzer. Alors, il y a du trafic de buzzer dans le studio, studio d'enregistrement. Voilà, et on a tous notre buzzer ici, voilà, qui fonctionne. Et on va faire un jeu ensemble. Oui, tous. Parce que visiblement, ils sont tous sur leur téléphone actuellement. Mais là, bah en fait, je suis en train de générer un quiz sur Bernard Tapie là. Non, non, mais je cherchais un quiz sur les chiffres de Noël et je le retrouve pas. Noël qui était donc la semaine dernière. Je vais commencer alors mon quiz sur Bernard Tapie. Quelle est la formation de Bernard Tapie? Il est politique, homme d'affaires ou entraîneur de sport? Formation, mais, ah oui. Mais il était. Il a commencé commercial hein, quand même. Ah bon. Tout en bas. Je pensais pas qu'on allait embrayer là-dessus. Oui, voilà. Il a commencé commercial en 1709. Bernard Tapie, on se souvient. Bon. Ouais. Non, mais je l'ai plus, mais c'est bon, pas grave. Je vais prendre celui-là, les 10 chiffres de Noël. Parce que Noël, c'était il y a pas longtemps. Hein, parce bien quoi, c'est vrai. 5 jours à peine. Ah, et ça veut dire qu'il faut commencer à penser à Noël de l'an prochain. Mais non, mais vous faites quoi pour le premier de l'an, vous, alors? Alors, on va commencer. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour le premier de l'an? Qu'est-ce qu'on fait pour le 31? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, comme j'ai pas d'amis, et que ma compagne non plus n'a pas d'amis, on s'est dit, bah tiens, on va prendre un avion, et le moins cher. Et alors, c'est là où je profite de l'aide que m'a donnée Jocelyn un soir, à un bar. Un bar, ouais. J'étais adossé au comptoir. Pour changer. Voilà. Tu bois n'importe comment, Tristan. Et c'est ça. Et oui, mais tu me le dis à chaque fois. Et Jocelyn, je lui parle de ça. Il me dit, mais non, mais il y a Google Flight. Et Google Flight, en fait, tu mets le nom de l'aéroport d'où tu démarres, les dates que tu veux, et il te dit où est-ce que tu pourras aller pas cher. Et ouais. Ça, c'est, j'adore. Alors que moi, j'avais proposé le Pays Basque avant Google Flight, hein, mais bon. Il y a Bordeaux hein, qui est pas cher aussi. Hein. Mais bien sûr, la Bordeaux, c'est pas cher. Mais sûr. On a pris Nice, donc du coup, je serai à Nice pour le 31. Bon, ok, très bien. James, qu'est-ce que tu fais pour le 31? Eh bien, écoutez, moi, pour le 31, je ne sais pas encore, tout simplement parce que c'est dans 2 jours et que moi, j'attends vraiment le dernier moment pour taper Google Flight et pour sélectionner mon vol. Google et tout ça. À mon avis, il va aller aux Maldives. Ah ouais, ça va Maldiver, c'est Mali. Mali, dans un pays qui commence par Ma, voilà. Mal, même. Malte. Allez. Non mais continue parce que du coup je... Jean, qu'est-ce que tu fais le 31 au soir? Je sais absolument pas. Formidable. Je crois que je vais faire comme James, je vais attendre la dernière minute. Sauf que je n'irai pas sur Google Flight, mais j'attendrai que quelqu'un me propose. Bah, je reste sur YouTube. Bon. Moi je travaille. Allez, ah, c'est vrai. Next news. Ah ouais, mais jusqu'à... Ah, le 31, tu travailles? Oui, mais jusqu'à 23h. Oui, jusqu'à 23h. Voilà. Et après, il faut qu'on rentre. C'est rigolo, à 23h dans ton bar, tu vas dire, tout le monde dort. Je vais dire, c'est ciao, c'est moi qui fête maintenant, voilà. Ok voilà, non, on a prévu de se faire une petite omelette aux champignons, Cristal. Mais non. En douceur, puis après, allez, peut-être qu'on ira faire la fête. Quel quoi, genre de champignons? Champignons forestiers. Voilà. J'en en dirai de pas Maxime. Plus. De Maxime. Maxime Forestier. Oui. Ouais. Okay. Non. Non. Non. Je retrouve oh pas, non, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Et également, si vous n'avez rien de prévu pour le 31 décembre au soir, n'hésitez pas à allumer la radio, à mettre 94.2 et Fadjet vous accompagnera pour cette soirée de réveillon avec une programmation spécialement concocté pour vous, j'imagine. Ou alors, allez sur le site Fadjet Radio 94.2, la matinale de 18h, et vous écoutez en podcast mais bien tous sûr nos épisodes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse soirée organisée de réécoute tâche? Une soirée raclette. Ah ouais. Soirée raclette Fadjet. Soirée raclette Fadjet. Hashtag raclette Fadjet sur Twitter. Sur la tweetosphère. Voilà. Bien sûr. Et on 2023. Se rappelle le tube que j'ai fredonné il y a 3-4 jours. C'était la semaine dernière. C'est la semaine dernière. La pire que 7 jours. J'aimerais pouvoir. On s'en rappelle, Jeanne. On s'en rappelle. Et du coup, j'enchaîne directement avec la première question. Ah ouais, tu peux mettre une petite musique entre les deux? Hein? Une petite musique entre les deux? Une petite musique entre les deux, quoi? Pouvoir. Bah là, non. Là, tu veux que je mette une musique? Ouais, juste pour détendre l'atmosphère. Mais t'as parce la chance. Non, Jeanne parle et ça me. D'accord, mais tu veux une petite musique et après on se fait le jingle. Le jingle. Ouais. Jingle bells. Le quiz sur les chiffres de Noël. Les chiffres et les lettres. Allez. Harry Styles, tu aimes bien? Bof. Bah t'auras Harry Styles. We'll be right back. What as it was. Exactement. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Complètement à côté, quoi. 94 de service compris, les anecdotes de Rodolphe. Les anecdotes de Rodolphe sous forme de quiz et t'es chaud patate. Ah, Jocelyn. Moi je suis méga chaud. Du coup, Jocelyn, tu vas nous commencer. Tu vas commencer avec oui. Une question. Mon quiz, c'est sur les morts. Des artistes en 2010, d'accord. Ouais, vas-y, filme-moi. Quel chanteur français a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en février 2010 à l'âge de 48 ans? Petit A, Michel Sardou. Petit B, Johnny Hallyday. Petit C, Charles Aznavour. Et petit D, Eddie Mitchell. En quelle année? Mais non, mais personne n'est mort. Voilà, c'est ça, c'est le mais c'est ça. Nul. Je pensais que Johnny Hallyday était mort en 2010 mais dans sa chambre d'hôtel, mais bon, bref, chacun pense ce qu'il veut. Donc c'est n'importe où. C'est Whitney Houston. C'est Whitney Houston, en effet. Non? Si, c'est ça. C'est ça, hein? Exactement, Whitney Houston. Oui. Je pensais que c'était une vraie info, je suis désolé, j'ai pas de quiz en fait. Next. Oh non, mais putain, mais ingérable. Bon alors Jeanne, on compte sur toi. Alors vas-y. Alors, t'as dit James, t'as James. Pas dit James. Écoutez, on a entendu récemment, vous savez, il y a eu la finale de la Coupe du Monde il y a une semaine et demie, là, il y a 10 jours, ouais. Ah là là. Qui a été la plus grosse audience de l'histoire pour TF1. C'est vrai. Mais savez-vous, messieurs, dames, quel est en audience cumulée le programme qui a réuni le plus de Français? Donc, toutes chaînes confondues, c'était un programme qui était diffusé sur plusieurs chaînes en même temps, qui a été la plus grosse audience en termes de Français devant leur écran, ah ouais, dans l'histoire de la télévision. Dans l'histoire, programme qui a été mis sur plusieurs chaînes. Voilà, si vous voulez. Bah, oui. C'est un enterrement. Non. Quoique, un petit peu, si on veut, oui. Alors, attends. C'est un programme, donc c'est juste un truc qui a été en direct? Oui, une diffusion. C'était une diffusion en direct, oui. En direct, d'accord. Et en fait, si on cumule les audimates de chaque chaîne qui l'ont diffusé. Ouais. Le mariage de Lady Diana et. Non. Ah non, le Lady Diana, justement. Non. Non, non. Non. Non. le premier homme qui a marché sur la Lune en direct. Non, c'est le deuxième homme. C'est plus récent que ça. Hein. C'est plus le huitième homme. D'accord. C'est français comme événement? Oui. Parce que là, on parle de la télévision française, évidemment. D'accord, ok. Est-ce que c'est sportif? Ça n'est pas sportif. Est-ce que c'est l'Eurovision? Ça n'est pas l'Eurovision. L'Eurovision. Les jeux de 20h aussi. Ah ouais. Est-ce que c'est Patrick Sébastien? C'est un décès? Pas vraiment. Non, c'est pas un décès. Mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui est mort ce soir-là, j'imagine. Le passage à la couleur? Non. Non, c'est récent. Hein. Vous voulez que je vous donne l'année? Est-ce que vous voulez que je vous donne l'année? C'était en 2020. En 2020? C'était en 2020, voilà. Bah, il n'y a pas eu les élections? Non. Non, il n'y a pas eu. C'était pas une histoire d'élection, mais c'était politique quand même. C'est politique, hein. Ouais. Ah ouais. Ok. Ouais, c'était politique. Le Covid? Ouais, mais ça oui, c'est l'annonce de Macron. Exactement, c'est l'allocution de Macron qui a cumulé près de 36 millions de téléspectateurs ce soir-là. Ouais. Le 13 avril 2020, donc nous on était sur. Ça, c'est non, c'est probablement là, c'est celle c'est de non, la levée c'est du le, confinement. Non, c'est le quoi qu'il en coûte. Ah, la levée du confinement. Je pense, le 13 avril 2020. Ouais, parce qu'on a été confinés en février. En février, ou début mars. Donc là, c'est celle du 13 avril 2020. Je pense que c'est celle où il annonce, si c'est même ça, parce qu'il annonce la levée du confinement. On a levé le confinement en mai. Oui, il annonce en avril qu'on le lèvera en mai en fait. Voilà. Oui, oui. C'est ça. C'est pas grave, on t'expliquera rien. Et alors, on va rester quand même dans les audiences dans quand même, un petit peu. Bon, voilà, un peu d'audience. Est-ce que vous savez, alors là, ça va être plus compliqué, je m'attends pas à ce que vous trouviez, mais quel est le film qui a réuni le plus de téléspectateurs à la télé? Donc là, c'est plus ancien, hein, je vous annonce. Le film qui a ramené le plus alors, de téléspectateurs. Sur une diffusion ou sur toutes les diffusions? Non, sur une diffusion. Hein. Sur une diffusion, oui. La Grande Vadrouille. Non, c'est français. C'est français. Et ça serait pas noir et blanc. Non, ça n'est pas noir et blanc. D'accord. Mais non, c'est avec la personne en situation de les handicap. Visiteurs. Titanic. Intouchable. Non, français. Non, c'est un film, on s'y attend pas du tout. Je sais même pas comment vous donner un indice. Les Ch'tis. Cars. Le Père Noël est une ordure. Alors, les Ch'tis, ils sont seulement 5e de ce classement. Micmac, Atia Larigou. Je pense que dans les 5, il y en a peut-être un que vous pouvez trouver. Mais c'est une comédie. Un qui est Amélie Poulain. Non, c'est pas une comédie. Ah oui, le premier, Poulain, c'est un film. J'ai envie de dire, c'est presque un film documentaire, mais non. C'est. Thalassa. C'est de Jean-Jacques Haneau. Non. C'est pas Microcosmos ou non. Quelque chose comme ça. Non, alors si les c'est fourmis. Jean-Jacques Haneau, c'est un film français de Jean-Jacques Haneau, puisqu'il a fait des films américains. Il est franco-américain. Chérie, j'avais tressé les gosses. Sorti en Tibet. 88. C'est en Tibet. Non. Jean-Jacques Haneau. Chérie, c'est l'ours, effectivement. Ah ouais, oui, c'est l'ours. Bonne réponse de Jeanne. Donc ça, c'est le premier. C'est alors, est-ce que vous pouvez sortir le top 5 dans le deuxième, dans le top 5, ouais. C'est un film aussi d'un réalisateur français qui est un grand réalisateur français. Qui Luc Besson. Ouais. Nikita Léon. Le Grand Bleu. C'est Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, le deuxième. D'accord. Est-ce que vous pouvez le trouver le troisième, le troisième, ouais. Comédie. Non. C'est marrant, pas. C'est français? Attends, Google. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est une comédie française. Je l'ai jamais vu. L'étuche. Je crois que je vois ce que c'est. Je vais vous le dire directement. C'est Prof. Oui. Oui, avec Bruel. Avec Kev Adams. Oui, ça doit être ça. Non, mais ça, c'est quatrième sur la liste. Mais non, ouais. Non, c'est pas. C'est troisième. C'est troisième. Et le quatrième, c'est un peu le même genre que les Profs. C'est pas les Profs avec Kev Adams. Non, il était pas né en plus. C'est un peu le même genre, le quatrième. C'est beaucoup moins bien. Prof, c'était avec Lucchini. C'était avec Patrick Bruel. C'était avec Laurent. Je ne sais plus. Romanesco. Le prof de. Ah, il y avait aussi Isabelle Mergaux. Voilà. Qui parle comme ça. Oui, c'est ça. Ah mais oui, mais attends, mais elle est. Laisse tomber. Je la connais, Isabelle, moi. Oui, mais voilà. Voilà, c'est ma mère. Le quatrième, s'appelle Isabelle. Donc le quatrième, je vous le donne, c'est les Soudoués en vacances. Ah mais c'est j'allais dire Soudoués parce que Daniel Auteuil avec Galabru. Avec Thierry Lhermitte. Et dans les films. Quoi, mais dis de la merde. C'est phénoménal. Dans les films post-année 2000, donc il n'y en a que deux dans le top 20. Donc le cinéma ne marche plus trop à la télé. Donc on a dit Bienvenue chez les Ch'tis. Et le deuxième, vous pouvez le trouver aussi assez facilement. Il est classé 13e le 7 décembre 2014. Non. Non, c'est une comédie. C'est pas une comédie. C'est un, vous avez trouvé le premier, vous pouvez forcément trouver le deuxième. Bienvenue chez les Ch'tis et. Et je retourne chez les Ch'tis. C'est un Danny Boone. Mais non. C'est avec la frontière belge là, non? Non. Bah non, c'est pas un Danny Boone. Ouais, c'est vrai. Au revoir chez les Ch'tis. Et c'est pas une comédie. Bienvenue chez nous. Ça n'est pas une comédie, non. C'est un d'accord. Film. Le Marvel, c'est dedans. Génial. Mission Cléopâtre. Ah, si je vous donne les juste le nom d'un acteur. Les acteurs, ça va juste être un acteur, juste s'il vous plaît. C'est un film d'Olivier Nakache. Non. Ah oui, bah la haine. Mais non, Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc c'est oui. Olivier Nakache et les Ch'tis. Omar Sy. Ah, intouchable. Oui. Intouchable. Se classe 13e de ce classement. Voilà. Pas de bras, pas de cheveux. Très bien. Merci. T'imprimes. C'est déjà la fin de cette émission. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Oh oui. Et c'est quand même la dernière émission de l'année, quand même. De 2022. Mais clairement. Quelle année. La matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. C'est la fin de cette dernière émission de l'année 2022. On va revenir en force très fort On sera le vers le 10. Hein, que moi, je sais pas. Ouais, soit vers le 10, soit vers le 12, quoi. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Merci aux chroniqueurs de nous avoir. Merci hein, pour cette belle année d'émission. On reviendra très fort l'an prochain, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ça sera même très exactement le 12 janvier. Et alors bravo, bravo, bravo. Je suis un cambrioleur. Et qui est mort le 12 janvier? Je vais vous le dire, c'est Marc Wells. Sacha Distel, voilà. Et on vous souhaite un bon réveillon. Oui, bon réveillon. Voilà, bonnes huîtres. On vous embrasse. Et à l'année prochaine. Ouais, bisous, ciao. Allez, ciao. Bisous. J'ai plus de générique. Oh, attends, je vais le remettre. Alors, fais la fin à la voix. C'est parti. Et allez, ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Bien, Nagui.